Eurydice, une surprise. Regardez bien. Où? La glace. Une, deux, trois. Eurydice sort de la glace. Elle? Eurydice, oui, moi. Moi, la plus heureuse des épouses. Moi, la première femme que son mari ait eu l'audace de venir prendre chez les morts. Orphée, Madame Eurydice reviendra des enfers. Et nous qui refusions un sens à cette phrase. Chut, mon chéri, rappelle-toi ta promesse. On ne reparlera plus jamais du cheval. Où avais-je la tête? Et vous savez, Ortebise, il a découvert le chemin tout seul, il n'a pas hésité une seconde, il a eu l'idée géniale de mettre les gants de la mort. Et c'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe, se donner des gants. Orphée, très bien, enfin, le principal était de réussir. Il fait mine de retourner vers Eurydice. Eurydice, attention! Orphée, oh! Il se fige. Qu'avez-vous? Ah, un détail, un simple détail. Au premier moment, la chose paraît effrayante, mais avec un peu de prudence, tout s'arrangera. Alors, ce sera une affaire d'habitude. Mais de quoi s'agit-il? D'un pacte. J'ai le droit de reprendre Eurydice et je n'ai pas le droit de la regarder. Si je la regarde, elle disparaît. Eurydice, mais quelle horreur! Eurydice, oh, c'est intelligent de décourager mon mari. Orphée faisant passer Eurydice devant lui. Ah, laisse, je ne me décourage pas. Il lui arrive ce qui nous est arrivé. Vous pensez bien qu'après avoir accepté cette clause, il le fallait coûte que coûte. Nous avons passé par toutes vos transes. Or, je le répète, c'est faisable. Ce n'est pas facile, certes non, mais c'est faisable. J'estime que c'est moins dur que de devenir aveugle, Eurydice, ou que de perdre une jambe. Orphée, et puis, nous n'avions pas le choix. Eurydice, il y a même des avantages. Orphée ne connaîtra pas Myride. Eurydice, bravo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous nous quittez? Oh, je crains que ma présence ne vous dérange. Vous devez avoir tant de choses à vous dire. Orphée, nous les dirons après déjeuner. La table est mise, j'ai grand faim. Vous êtes trop de notre aventure pour ne pas rester déjeuner avec nous. Eurydice, je crains que la présence d'un tiers ne contrarie votre femme. Eurydice, non, Eurydice, en insistant sur les mots. Le voyage d'où je reviens transforme la face du monde. J'ai appris beaucoup. J'ai honte de moi. Orphée aura dorénavant une épouse méconnaissable, une épouse de lune de miel. Eurydice, ta promesse, on ne parlera plus jamais de la lune. C'est mon tour de n'avoir aucune tête. À table, Eurydice à ma droite, asseyez-vous, Orphée en face de moi. Pas en face. J'ai eu raison de te dire, Eurydice, je m'installe à gauche et je te tourne le dos. Je mange sur mes genoux. Eurydice dessert. Eurydice, je brûle d'entendre le récit de votre voyage. Orphée. Ma foi, j'aurais du mal à le raconter. Il me semble que je sors d'une opération. J'ai le vague souvenir d'un de mes poèmes que je récite pour me tenir éveillé et de bêtes immondes qui s'endorment. Ensuite, un trou noir. Ensuite, j'ai parlé avec une dame invisible. Elle m'a remercié pour les gants. Une sorte de chirurgien est venu les reprendre et m'a dit de partir, qu'Eurydice me suivrait et que je ne devais la regarder sous aucun prétexte. J'ai soif. Il prend son verre et se retourne. Ah, attention! Eurydice, j'ai une de ces peurs. Sans te retourner, mon chéri, tâte comme mon cœur bat. Ah, c'est stupide. Si je me bandais les yeux. Eurydice, je ne vous le conseille pas. Vous ne savez pas les règles exactes. Si vous trichez, tout est perdu. Orphée, on se représente mal la difficulté, la tension d'esprit qu'exige une bêtise pareille. Eurydice, que veux-tu, mon pauvre chéri? Tu es toujours dans la lune. Ah, encore la lune, autant me traiter d'idiot. Orphée, je laisse la lune à tes ex-compagnes. Monsieur Orphée, je suis hiérophant du soleil. Tu ne l'es plus, mon amour. Ah, soit, mais je défends qu'on parle de lune dans ma maison. Si tu savais, comme ces histoires de lune et de soleil ont peu d'importance, madame est au-dessus de ces choses-là. Si je pouvais parler, il me semble que pour une personne qui ne peut pas parler, tu parles beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Eurydice pleure, silence. Eurydice, vous faites pleurer votre femme. Orphée, vous? Il se retourne. Ah, ah, Eurydice, prenez garde. Orphée, c'est de sa faute, elle ferait retourner un mort. Ah, il valait mieux rester morte. La lune. Si je la laissais dire, où irions-nous? Je vous le demande, l'époque du cheval recommencerait. Eurydice, vous exagérez. J'exagère, oui. Et même, en admettant que j'exagère, il se retourne. Ah, attention! Eurydice, du calme, ne pleurez pas, la difficulté vous énerve. Orphée, mettez-y du vôtre, vous finirez par faire un malheur. Et même en admettant que j'exagère. Qui commence? Ce n'est pas moi. Ah, pas toi, pas toi. Il se retourne. Oh, oh! Eurydice, vous êtes dangereux, mon cher. Orphée, vous avez raison. Le plus simple est que je sorte de table et que je vous débarrasse de ma présence, puisque vous me trouvez dangereux. Il se lève, Eurydice et Eurydice le retiennent par sa veste. Eurydice, mon ami, Orphée, non, laissez-moi, soyez raisonnable, je serai ce qu'il me convient d'être. Eurydice, reste.

partie invisible du balcon. Les tambours couvrent sa voix. Ténèbres, Ortebis tombe à genoux et se cache le visage. Tout à coup, une chose vole par la fenêtre et tombe dans la chambre. C'est la tête d'Orphée. Elle roule vers la droite et s'arrête au premier plan. Ortebis pousse un faible cri. Les tambours s'éloignent. La tête d'Orphée. Elle parle avec la voix d'un grand blessé. Où suis-je? Comme il fait noir, comme j'ai la tête lourde. Et mon corps me fait si mal. J'ai dû tomber du balcon, j'ai dû tomber de très haut sur la tête. Et ma tête, au fait, oui, je parle de ma tête. Où est-elle, ma tête? Eurydice, Ortebise, aidez-moi, où êtes-vous? Allumez la lampe, Eurydice, je ne vois pas mon corps, je ne trouve plus ma tête, je n'ai plus ni tête, ni corps, je ne comprends plus, et j'ai du vide partout. Expliquez-moi, réveillez-moi, au secours, Eurydice. Entre Eurydice, sortant du miroir, elle reste sur place. Mon chéri, la tête d'Orphée, Eurydice, c'est toi, c'est moi. Où est mon corps? Où ai-je mis mon corps? Ne cherche pas, ne t'agace pas, donne-moi la main. Où est ma tête? Eurydice prenant le corps invisible par la main. « J'ai ta main dans ma main. Marche. N'aie pas peur. Laisse-toi conduire. » La tête d'Orphée. « Où est mon corps? Près de moi. Contre moi maintenant. Tu ne peux plus me voir. Et j'ai la permission de t'emmener. Et ma tête, Eurydice? Ma tête? Où ai-je mis ma tête? Laisse, mon amour. Ne t'occupe plus de ta tête. » Eurydice et le corps invisible d'Orphée s'enfoncent dans le miroir. On frappe à la porte, silence, on frappe, silence. La voix du commissaire. Au nom de la loi, ouvrez! Ortebis, qui êtes-vous? La police, ouvrez ou j'enfonce la porte. J'ouvre! Il s'élance vers la tête d'Orphée, la ramasse, hésite, la pose sur le socle et ouvre la porte. Le battant cache le socle. C'est alors que l'acteur qui joue le rôle d'Orphée substitue sa tête à la tête de carton. Le commissaire. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma première sommation? Monsieur le juge, commissaire. Monsieur le commissaire, je suis un ami de la famille, j'étais encore sous le coup d'un saisissement compréhensible. Un coup? Quel coup? Il faut vous dire que j'étais seul avec Orphée au moment du drame. Quel drame? Le meurtre d'Orphée par les Bacchantes. Le commissaire se retournant vers le greffier. Je m'attendais à cette version. Et la femme de la victime, où est-elle? J'aimerais la confronter avec vous. Mais elle est absente. De mieux en mieux. Elle avait même abandonné le domicile conjugal. Voyez-vous cela, au greffier? Veuillez vous mettre à cette table. Il désigne la table de gauche. Et prenez note. Le greffier s'installe. Papier, plume, il tourne le dos à la glace. Ortebise est debout près de la glace. Pour être plus à l'aise, le greffier tire la table en arrière, de sorte que cette table rende l'accès de la porte impossible. Ortebise, j'ai... silence. Procédons par ordre. Ne parlez que si je vous interroge. Où est le corps? Quel corps? Quand il y a crime, il y a corps. Je vous demande où se trouve le corps. Mais, monsieur le commissaire, il n'y a pas de corps. Il a été déchiré, décapité, emporté par ces folles. Primo, je vous dispense de porter un jugement injurieux sur des femmes qui exercent un sacerdoce. Secondo, votre version est contredite par 500 témoignages visuels. Vous prétendez... silence! Silence. Écoutez-moi bien, mon gaillard. Nous sommes aujourd'hui jour d'éclipse. Cette éclipse de soleil est cause d'un formidable revirement populaire en faveur d'Orphée. On porte deuil, on organise son triomphe, les autorités réclament sa dépouille mortelle. Or, les Bacchantes ont vu Orphée paraître à son balcon couvert de sang et criant au secours. Surprise, car elle venait sous ses fenêtres à seule fin de lui faire un charivari, elles eussent volé à son aide s'il n'était, raconte-t-elle, et 500 bouches le racontent, s'il n'était, disais-je, tombé mort sous leurs yeux. Je me résume, ces dames organisent un monôme, elles arrivent au cri de conspuez Orphée, soudain la fenêtre s'ouvre, Orphée ensanglanté s'élance et appelle au secours. Ces dames s'apprêtent à gravir les marches, il est trop tard. Orphée tombe et toute la troupe, n'oublions n'oublions pas que ce sont des femmes qui aiment crier, mais qui, que la vue du sang effraie. Toute la troupe, dis-je, rebrouche chemin. Éclipse, la ville voit dans cette éclipse la colère du soleil, parce qu'on moque un de ses anciens prêtres. Les autorités s'avancent à la rencontre des femmes, et les femmes, par l'entremise d'Aglaonis, racontent le crime étrange dont elles viennent d'être témoins. La ville entière voulait se ruer sur les lieux, des mesures sévères furent prises afin de réprimer le désordre, et on m'a dépêché, moi, le chef de la police, moi qui vous interroge, et qui ne supporterai pas qu'on me traite comme un garde champêtre. Tenez-vous-le pour dit. Mais je ne vous... Silence ! On ne vous interroge pas, dit le greffier, le commissaire. Procédons avec ordre. Au greffier, où en étais-je ? Le greffier, le buste. Je me permets de vous rappeler le buste. Ah oui. Alors, tu bises. Vous êtes de la maison, un habit de la maison. On demande un buste d'Orphée pour le triomphe. En connaissez-vous un ? Heurtebise se dirige vers la porte et la ferme. On voit la tête sur le socle. Le commissaire et le greffier se retournent. Le commissaire, il n'est pas ressemblant. Heurtebise, c'est une très belle chose. De qui ? Je l'ignore. Il n'est pas signé ce buste ? Non. Prenez note, tête présumée d'Orphée. Ah non, c'est Orphée. De cela, on est certain. Le doute ne porte que sur l'auteur. Alors mettez tête d'Orphée par X. Heurtebise, vos noms ? Plaît-il ? On vous demande vos noms. Le commissaire, car pour le métier, on ne me trompe pas. J'ai l'œil. Il s'approche et tapote les vitres. Vous êtes vitrier, mon gaillard. Vitrier, je l'avoue. Avouez, c'est encore le seul système de défense qui tienne debout. Excusez-moi, monsieur le commissaire, dit le greffier, mais si nous lui demandions ses papiers, très juste. Vos papiers, je n'en ai pas. Hein ? Oh ! Le commissaire, vous circulez sans vos papiers ? Où sont-ils ? Où demeurez-vous ? Je demeure... Je ne vous demande pas où vous demeuriez, je vous demande l'adresse de votre domicile actuel. Actuellement, je me trouve sans domicile. Pas de papier, pas de domicile, parfait, vagabondage, un ambulant. Votre affaire est claire, mon ami. Votre âge. J'ai... Le commissaire, il interroge en tournant le dos, les yeux au ciel, remuant le pied comme les examinateurs. Je suppose que vous avez du moins un âge, la tête d'Orphée. 18 ans, le greffier, il écrit. 17 ans, la tête d'Orphée. 18, le commissaire. Néa... Le greffier, une petite minute, monsieur le commissaire, je gratte le chiffre. Il gratte. Eurydice sort à moitié du miroir. Eurydice, Heurtebise, je sais qui vous êtes, venez, entrez, nous vous attendions, il ne manque plus que vous. Heurtebise hésite. La tête d'Orphée, dépêchez-vous, Heurtebise, suivez ma femme, je vais répondre à votre place, j'inventerai n'importe quoi. Heurtebise plonge dans le miroir. Le greffier, monsieur le commissaire, à vos ordres. Le commissaire, né à Maison Lafitte. Maison quoi ? Maison Lafitte, 2F, 2T. Puisque vous me dites votre lieu de naissance, vous ne refuserez plus de dire votre nom. Vous vous appelez ? Jean. Jean comment ? Jean Cocteau. Coq ? C-O-C-T-E-A-U, Cocteau. C'est un nom à coucher dehors. Il est vrai que vous couchez dehors, à moins que vous ne consentiez maintenant à nous dire votre domicile. Rue d'Anjou, 10. Vous devenez raisonnable. La signature, le commissaire, préparez une plume. Heurtebise, approchez, on ne vous mangera pas. Le greffier, qu'a-t-il ? Tonnerre ! L'inculpé a disparu. Le greffier, c'est prodigieux. Le commissaire, prodigieux, il n'y a pas de prodige. Il arpente la scène, je ne crois pas au prodige. Une éclipse est une éclipse, une table est une table, un inculpé est un inculpé. Procédons avec ordre. Voyons. Cette porte, le greffier, impossible, monsieur le commissaire. Pour sortir par cette porte, il fallait bousculer ma chaise. Le commissaire. Reste la fenêtre. Pour la fenêtre, il fallait passer devant nous. D'ailleurs, l'inculpé répondait. Il a répondu jusqu'à la dernière minute. Alors, je me suis dit, comprends rien. Il faut qu'il existe quelque issue secrète dont l'assassin, car cette fuite nous apporte la preuve du crime, dont l'assassin, disais-je, devait connaître l'existence. Sondez le mur. Le greffier cogne, recherche. Le greffier, le mur sonne plein. Le commissaire, parfait. Puisque ce gaillard nous brouille la politesse et se cache, ne lui donnons pas la satisfaction de le chercher sous ses propres yeux. J'ai des hommes autour de la maison. Il ne peut faire deux pas dehors sans être pris. Et s'il s'obstine, on le cernera jusqu'à ce que la faim l'oblige à sortir. Venez ! Le greffier, quelle histoire ! Le commissaire, il n'y a pas la moindre histoire. Vous voyez toujours des histoires partout. Ils sortent. Pendant qu'ils sortent et que le battant de la porte cache le buste, l'acteur substitue à sa tête la fausse tête. La scène reste vide. Le commissaire, il rend... Ah, nous oublions le buste. Le greffier, il ne faut pas revenir les mains vides. Le commissaire, prenez-le. Le greffier prend la tête, ils sortent. Le décor monte au ciel. Entre par la glace Eurydice et Orphée. Eurtébise les mène. Ils regardent leur maison comme s'ils la voyaient pour la première fois. Ils s'asseyent à table. Eurydice désigne sa droite à Eurtébise. Il sourit. Il respire le calme. Eurydice, tu voulais du vin, je crois, mon chéri. Orphée, attends, d'abord la prière. Il se lève ainsi qu'Eurydice et Eurtébise. Il récite. Mon Dieu, nous vous remercions de nous avoir assigné notre demeure et notre ménage comme seul paradis et de nous avoir ouvert votre paradis. Nous vous remercions de nous avoir envoyé Eurtébise et nous nous accusons de n'avoir pas reconnu notre ange gardien. Nous vous remercions d'avoir sauvé Eurydice parce que par amour, elle a tué le diable sous la forme d'un cheval et qu'elle en est morte. Nous vous remercions de m'avoir sauvé parce que j'adorais la poésie et que la poésie, c'est vous. Ainsi soit-il. Il se rasseye. Eurtébise, je vous sers. Orphée respectueusement, laissez Eurydice. Eurydice lui verse à boire. Eurtébise, peut-être arriverons-nous enfin à déjeuner. Rideau.